Bonjour à tous, vous êtes bien sur Radio Guémozo, vous nous écoutez sur le 107FM, il est 8h30, c'est Marion et vous êtes bien dans la matinale. Nous sommes le vendredi 27 septembre et on commence avec l'information qui est tombée hier, hein, le décès de Jacques Chirac à 86 ans, l'ancien président de la République, hein, du 17 mai 95 au 16 mai 2007, pardon, un président qui aimait la France et les Français, qui aimait le sport aussi, même s'il n'y connaissait pas grand chose, hein. On se souvient d'une image culte, hein, lors de la Coupe du Monde 98, lorsque les noms des joueurs de l'équipe de France étaient cités, eh bien, il avait du mal à les répéter. Voilà, Jacques Chirac est donc décédé à 86 ans, donc président de la République. Il fut également Premier ministre, député européen ou encore maire de Paris. Allez, en ce 27 septembre, nous souhaitons une bonne fête au Vincent en l'honneur de Saint Vincent de Paul. Le dicton du jour nous dit « Saint Vincent de Paul trouble, met du vin dans la gourde » ou encore « À la Saint-Vincent, prends ton temps ». Dans les célébrations internationales, aujourd'hui c'est la journée mondiale du tourisme et en Belgique, c'est la fête de la communauté française de Belgique. Pas d'événements marquants qui se sont déroulés un 27 septembre. On passe donc tout de suite une première pause musicale avec le groupe Three Doors Down avec le titre « Here Without You ». A hundred days have made me older since the last time that I saw your pretty face. A thousand lives have made me colder, and I don't think I can look at this the same. But all the miles that separate, they disappear now when I'm dreaming of your face. I'm here without you, baby, but you're still on my lonely mind. I think about you, baby, and I dream about you all the time. I'm here. It's only you and me. Le groupe Three Doors Down sur RGM. Presque 8h36, on parle anniversaire avec ceux qui sont nés un 27 septembre 1946, naissance de François Dunoyer, acteur français, vu dans la série Le Retour d'Arsène Lupin, dans le rôle d'Arsène Lupin, ainsi que dans la série Julie Lescaut, dans le rôle de Pierre Verdon. 1948, naissance de Tom Braidwood, acteur canadien, connu pour son rôle de Melvin Froick dans la série télé X-Files. 1960, naissance de Jean-Marc Barr, acteur français, connu pour son rôle de Jacques Mayol dans le film à succès, hein, Le Grand Bleu, vu également dans L'Échappée Belle, Nymphomaniac ou encore la série télé De Flics sur les Docks dans le rôle de Faraday. 1963, naissance de Cécilia Ornus, actrice française, connue pour son rôle de Blanche Marcy dans la série télé Plus belle la vie. 1970, naissance de Tamara Taylor, actrice canadienne, vue dans la série télé La Vie à 5 dans le rôle de Grace Wilcox, Lost, Numbers, NCIS Enquête Spéciale, mais on la connaît surtout pour son rôle du docteur Camille Sorayan dans la série télé Bones. 1972, naissance de Gwyneth Paltrow, actrice américaine, vue dans Hook ou La Revanche du Capitaine Crochet, où elle a interprété le rôle de Wendy jeune. Seven, Shakespeare in Love dans le rôle de Viola de Lesseps, Oscar de la meilleure actrice. Le talentueux Mr. Ripley, Contagion, et on la connaît pour son rôle de Pepper Potts dans Iron Man 1, 2 et 3, ainsi que Spider-Man Homecoming, Avengers Infinity War et Avengers Endgame. Et à la télévision, on a pu la voir dans quelques épisodes de la série Glee dans le rôle d'Holly Holiday. 1976, naissance de Francesco Totti, ancien footballeur italien, ayant fait toute sa carrière à l'AS Rome de 1993 à 2017. 1978, naissance de Brad Arnold, chanteur américain du groupe Three Doors Down. 1982, naissance de Will Wayne, chanteur américain. 1984, naissance d'Avril Lavigne, chanteuse canadienne. 1986, naissance de Stéphane Ruffier, footballeur français, évoluant en poste de gardien de but entre 2005 et 2011. Il a joué à Monaco, même si pendant la saison 2005-2006, il a été prêté à l'Aviron Bayonnais. Et depuis 2011, il est le gardien de but de Saint-Étienne. 1989, naissance de Mandy François-Élie, athlète handisport française, qui aux Jeux paralympiques compte une médaille d'or et une médaille d'argent. Et au championnat du monde d'athlétisme handisport, elle compte 2 médailles d'or. En 1986, décédé Cliff Burton, musicien américain, bassiste du groupe Metallica entre 1982 et 86. Il a notamment joué sur le titre Whiplash, dont on écoute tout de suite eh bien, un extrait. Voilà pour l'extrait de Metallica et tout de suite on va s'écouter Lil Wayne en featuring avec Bruno Mars sur le titre Mirror. Well, everything happening today, you don't know whether you're coming or going, but you think that you're on your way. Life lined up on the mirror, don't blow it. Whoa. Look at me when I'm talking to you. You looking at me, but I'm looking through you. I see the blood in your eyes. I see the love in disguise. I see the pain hidden in your pride. I see you're not satisfied. And I don't see nobody else. I see myself. I'm looking at the mirror on the wall. Here we are again. Yeah. Through my rise and fall. You've been my only friend. Yeah. You told me that they can understand the man I am. So why are we here talking to each other again? I see the truth in your lies. I see nobody by your side. But I'm with you when you're all alone. And you correct me when I'm looking wrong. I see the guilt beneath the shame. I see your soul through your window pane. I see the scars that remain. I see Wayne, I'm looking at the mirror on the wall. Here we are again. Through my talking to each other again. Looking at me now, I can see my past. Damn, I look just like my fucking dad. Light it up, that smoke and mirrors. I even look good in a broken mirror. I see my mama smile, that's a blessing. I see the change, I see the message. And no message could have been any clearer. So I'm starting with the man in the mirror on the wall. MJ taught me that. Here we are again. Through my rise and fall. You've been my only friend. Take them to Mars, man. You told me that they can understand the man I am. So why are we talking to each other again? BP, looks like I did take him to Mars this time. So why are we talking to each other again? Lil Wayne, Bruno Mars, avec le titre Mirror sur le 107FM, un petit peu plus de 8h44 et il est temps pour nous eh bien, de parler météo. La météo. On passera la journée sous les nuages et la pluie, des températures comprises entre 14 et 15 degrés ce matin, entre 16 et 18 degrés pour cet après-midi. Samedi, on commencera la journée avec des résidus de pluie et ça devrait s'améliorer au fil de la journée. Des températures comprises entre 11 et 12 degrés ce matin, entre 16 et 18 degrés cet après-midi. Pour dimanche, journée ensoleillée, des températures comprises entre 10 et 11 degrés le matin, entre 20 et 22 degrés prévues pour dimanche après-midi. Une belle météo pour pouvoir profiter des événements qui sont proposés dans les Vosges ce week-end, avec notamment toujours la fête de la Saint-Maurice à Épinal, mais la fête des Simples aussi à Cornimont. Michel nous en a parlé dans son émission. La parole est à vous. Et il y a également le festival Tatou La Vida. Voilà de beaux événements auxquels assister ce week-end. Et nous, on file tout de suite faire un point sur l'actu sportive. Les résultats sportifs. Tennis, au tournoi de Zue, Manarino s'est qualifié suite à l'abandon de Tsitsipas. Il affrontera aujourd'hui Zoumour. Et Gaël Monfils est en train d'affronter Ramos Vinolas. À Chengdu, élimination de Benoît Paire en 3-7 face à Carreno Busta, 6-3, 3-6 et 6-3. À Tashkent, élimination de Pauline Parmentier en 2-7 face à Van Jutkon, 6-2, 6-4. Il n'y a plus de Français et de Françaises dans ces tournois. Un mot de volley maintenant avec les championnats d'Europe. Ce soir, la demi-finale France-Serbie. Si la France se qualifie